Fanatique yo, aswe a privay sa ve nou. Si yon sito, nou pral fè bagay yo fèt. Stanley, lage jaza. Yes. Déchire culotte tout le temps. Allo Pachuco. Kon akon nou d'accord, pou sa nou ka plogue. Ti mizik sikre, ka fè nou karese. Genanje nap gare, nou pa jam fatigue. Sa son ap monte, loloj nou chavire. Danse, plogue, danse, danse, danse, danse. Danse, plogue, danse. Oye, alou bel jasa, papa. C'est pour moi, pas moi.